prends pas la vie. En restant chez soi, rien faire, la tête calcinée à regarder le temps passer. Elles font qu'à parler des projets par centaines. Pour eux, j'ai un bouquet de chrysanthèmes. On n'apprend pas la vie. Sur les bancs de la fac, la vie ça s'apprend pas, ça se vit aussi vrai que je peux. Livre sur un titre, la plume entendre si le rap j'aime fait mal à la tête, amène l'aspirine, génération, grosse déprime, je m'en fous de tout. Si tu savais ce que j'aurais pu être, je préfère ne pas y penser. Le son est triste, y'a plus personne pour danser. Les gens je veux les poser, les substances sont dosées. La beauté des gens ne fait pas la qualité du moteur. La beauté des gens est presque indescriptible, amène un décodeur. Yeah. Le synopsis des sales gros qu'on t'a fait laisse un goût amer au Jack Daniels. Faut des thunes, donc faut taffer en manque de tout. C'est leur moyen de nous brûler les ailes. Oh merde, au fait, tous naïfs comme Homer. Marre de pleurer comme le chanteur d'Opère. Je veux tout péter donc j'opère pour. Si je parle pas beaucoup, t'inquiète, c'est que j'observe tout. Trop fier que ces paroles sortent de ma bouche. Vegas, mon pote. Dans ma tête, ce refrain tourne en boucle. Yeah. Pas la vie, les yeux bloqués sur la télé ou perché à laisser parler nos vices, pas de leçon chez nos vices. On apprend nos erreurs, ne pas devenir ouf comme les mecs à l'office. On apprend pas la vie, on la vit, point barre tous les jours à la pointeuse. On rêvait mieux que ça, s'évader dans des collages, étouffer notre colère, copinage avec des collègues. Mes exemples sur des posters, tu sens la rage dans notre haleine. Génération au transport, sous le Porsche, nique les Porsche Cayenne. On va rien, on veut s'envoler. Les dents cassées, elles touchent le gravier. Trop de rage au ventre, mais trop d'amour à donner. Je pleure langue sur le papier, tu sais, nous c'est même pas qu'on touche le fond, juste qu'on a papier. Ils sont déjà fait péter nos casiers. Sous coke, les mecs se prennent pour les rois du pétrole. Mon pote, roule un stick que je décolle, que je lâche la déprime. Je traîne avec la débrouille, la dépose, nique les embrouilles, les dépendances. On dit fou bas quand tu balances, c'est pendant d'être indépendant. Le monde est fou, 2011, la grande décadence. Observe la tristesse que tu peux lire dans les yeux des passants. Nous parle pas mal, man, car on n'a pas le temps. Augmente le son, qu'on se perce les tympans. Les mecs deviennent schizo, les meufs nimbos. J'ai appris à méfier des infos, apprendre à déchiffrer les symboles, faire abstraction de ce qui cautionne. Savoir que n'importe lequel de tes choix conditionne. Yeah. Une jeunesse sous la poussière, on m'a dit ici-bas. Depuis la jeunesse, tout se paye, les paroles s'envolent, les écrits restent. Moi j'arponne pour t'implanter les miennes dans l'épiderme. Pessimiste, peut-être en tout cas pas le seul à dire que c'est la merde. Réaliste, même si parfois j'exagère. Tout reste à apprendre, apprendre que certaines personnes ont changé. Que parfois il est difficile de s'acheter à manger. Que toute ta vie par le mal tu peux être tenté. Soit d'apprentissage et l'appétit augmente avec l'âge. Envie de métissage comme de Bing. Rien à foutre de closer et public. Je veux tout voir, j'écarte les pupilles. Je profite, j'apprends que chaque moment est unique. Vegas, mon pote, je profite. Je mène ma vie comme je l'entends. C'est pareil pour ma musique.